Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la défaite de la France de juin 1940. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. C'est dans la nuit du 16 au 17 juin 1940 que le maréchal Pétain demande aux Français de cesser le combat. En 6 semaines seulement, la France est défaite. C'est le 10 mai 1940 que les troupes allemandes d'Hitler attaquent la Belgique, les Pays-Bas et la France. À la fin de juin, la France signe l'armistice avec l'Allemagne. À partir de ce moment-là, la France est divisée en deux, territorialement et idéologiquement. Le Nord est un pays occupé par les forces allemandes, tandis que le Sud est toujours libre. Le maréchal Pétain met en place le régime de Vichy, qui collabore avec la force occupante, alors que depuis Londres, le général de Gaulle en appelle à la résistance. Si les forces de la liberté triomphent finalement de celle de la servitude, quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Charles de Gaulle qui en appelle une nouvelle fois à la résistance des Français le 22 juin 1940, quelques jours seulement après son célèbre appel du 18 juin, dont il n'existe, pour ce qui est de l'appel du 18 juin, aucun enregistrement, pour nous raconter, pour nous expliquer cette défaite française de juin 40, cette défaite rapide des Français devant les forces nazies. L'historien enseignant à la TELUC, Éric Bédard. Éric, bonsoir. Oui, bonsoir. Éric, on le voit bien hein, dans ces deux extraits Pétain qu'on a entendus il y a quelques instants, de Gaulle. On voit qu'avec cette défaite de juin 40, la France est profondément divisée entre deux hommes, entre deux visions, géographiquement divisée également. Elle le sera, en tout cas, très rapidement, géographiquement, après l'armistice signé avec l'Allemagne. Écoutez, c'est comme vous l'avez dit, c'est une défaite foudroyante, une défaite militaire foudroyante qui va commencer donc, vous avez dit, le 10 mai, Hitler lance ses troupes et très rapidement, c'est la débandade. Du 15 mai au 20 juin, c'est environ 6 millions de Français, de femmes, d'enfants, de vieillards qui abandonnent leur domicile. C'est un exode qui est extrêmement impressionnant pour les témoins de l'époque et qui donne un sentiment de déroute, d'anarchie même. Et ce qui explique aussi pourquoi le 10 juin, le gouvernement va quitter la capitale et on va le retrouver à Tours, puis à Bordeaux le 15 juin. Et le Conseil des ministres, et ça c'est très frappant, le Conseil des ministres qui est dirigé par un certain Paul Reynaud et Jean Lacouture, biographe de De Gaulle, dit qu'on dirait qu'il est convoqué pour assister aux obsèques de la France. Là, il arrive dans un moment très trouble. Alors Paul Reynaud est face à un Conseil des ministres extrêmement divisé. Vous avez un premier courant. Qui est celui qu'incarne bien le général de Gaulle, qui souhaite poursuivre la guerre, mais à partir de l'Empire, à partir de Alger, par exemple. Donc, continuer la lutte aux côtés de la Grande-Bretagne, de Winston Churchill, qui, lui, est très déterminé, qui vient... Et à la Grande-Bretagne aussi, parce qu'on a signé une entente le 28 mars précédent, dans laquelle on prévoit qu'aucun pays ne signera d'armistice sans l'accord de l'autre. Oui. Donc, il y a cette entente qui lie la France et l'Angleterre, et à la toute veille, d'ailleurs, de l'effondrement, il y a même un projet d'unité franco-allemande, on fond les deux pays dans un seul, un projet un peu utopique là. Donc il y a ce premier courant et il y a le deuxième courant. Deuxième courant, celui du maréchal Pétain et d'autres, qui réclament l'armistice, c'est-à-dire une convention entre les gouvernements pour mettre fin aux hostilités. Alors, l'armistice, c'est signé par les gouvernements, alors qu'un cessez-le-feu est signé par l'armée. Symboliquement, c'est très différent. Oui. C'est comme si, dans un cas, c'est le gouvernement qui porte la responsabilité, et dans l'autre, c'est l'armée qui porte la responsabilité. Or, le maréchal Pétain est issu de l'armée. Il veut, on dirait clairement, que ce soit le gouvernement, l'État, qui porte la responsabilité. Et donc, c'est finalement le second courant qui va l'emporter. Et donc, c'est à lui qu'on confie le pouvoir et c'est lui qui va prononcer cet extrait que on a entendu tout à l'heure. Et pour mieux comprendre comment on en arrivera à cette défaite rapide du printemps 1940, on fait un petit saut en arrière, Éric. Ça commence, en fait, en septembre 1939. Déclaration de guerre, donc, à l'Allemagne nazie par les Français. Nous avons toujours désiré et nous désirons toujours qu'une collaboration sincère et une entente loyale puissent être établies entre les peuples. Mais nous sommes résolus à ne pas nous soumettre au diktat de la violence. Nous avons pris des armes contre l'agression, nous ne les reposerons que lorsque nous aurons des garanties certaines de sécurité, d'une sécurité qui ne soit pas mise en question tous les 6 mois. Le président du Conseil des ministres français, ministre de la Défense à l'époque, en 1939, on est le 1er septembre 1939, Édouard Daladier, qui explique les raisons qui motivent donc cette déclaration de guerre de la France à l'Allemagne nazie. À ce moment-là, Éric Bédard, clairement, les Français décident qu'on ne peut plus faire confiance à Hitler. Et à ce moment-là, les Français ont l'air d'être confiants de pouvoir gagner cette guerre. D'abord, il y a une grande tristesse. C'est rien à voir avec la déclaration, par exemple, de 1914, où on allait au front la fleur au fusil, comme on disait souvent, dans une ambiance de fête, parce qu'il y avait eu une espèce de montée de fièvre nationaliste, militariste, depuis la défaite de 1871. Donc, il y avait une envie d'en découdre. Enfin, on y arrivait et on allait reprendre l'Alsace et la Lorraine. C'était la grande guerre patriotique, mais avec les résultats qu'on connaît, des morts, une hécatombe épouvantable. Et donc, ces souvenirs-là étaient toujours très vifs. Donc, c'est une grande tristesse. Mais la chose qui est frappante, c'est que la guerre est peut-être déclarée en septembre 1939, mais avant qu'elle soit effective, ça prend énormément de temps. Il ne se passe rien. Pendant des mois, de sorte qu'on va appeler ce laps de temps, là, ces mois d'attente, on va qualifier ça de drôle de guerre. Oui. Puisque les armées françaises sont mobilisées, les Français sont mobilisés, mais restent dans une position plutôt défensive, alors que pendant ce temps-là, Hitler complète sa victoire en Pologne et à l'Est. Donc, c'est très frappant. Et tout ça mène, donc, il y a l'hiver qui passe, arrive cette attaque, et on a donc deux camps. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a le camp de ceux qui veulent poursuivre la guerre, il y a le camp de ceux qui veulent un armistice. Mais ce qui est intéressant, c'est les explications aussi. Oui. C'est qu'au fond, pour un Charles de Gaulle, la défaite de la France, cette défaite foudroyante en 6 semaines, a une origine essentiellement militaire. Mmh. On a failli militairement, alors que pour le maréchal Pétain, la France, et pour une certaine droite, la France a failli moralement. Oui. Puis on y reviendra au motif, sur le plan militaire, mais sur le plan politique aussi, de cette défaite. Mais un mot quand même sur cette offensive qui va très, très, très vite. Ça va devenir un classique, la fameuse expression Blitzkrieg, oui. Guerre Hitler. C'est ça qui se passe. C'est ça. C'est que ça commence le 10 mai. Exactement, parce que durant la Première Guerre mondiale, on a eu une guerre presque immobile, une guerre de front, une guerre de tranchées. Hein, les fronts ne bougeaient à peu près pas, on avançait de quelques kilomètres, on reculait, on était comme des chiens de faïence et tout ça. Là, pour la Deuxième Guerre mondiale, les Français ont comme ce réflexe en se disant « bon, on va se préparer un peu de la même façon, on va se cramponner à nos frontières et on les attend et on est prêt avec une stratégie défensive dont on reparlera ». Par contre, lui, de son côté, Hitler, avec des conseillers, a imaginé une guerre de mouvement. Une guerre de mouvement qui est basée sur les panzers, sur les chars d'assaut. Et donc, les panzers, les chars d'assaut brisent les lignes, avancent, et l'infanterie suit. Alors que, dans la perspective plus traditionnelle, c'est l'infanterie qui est en avant et les panzers viennent finir le travail, les chars d'assaut viennent finir le travail. Là, on a une optique complètement différente. Ce qui fait que ça va très vite. Et ça va extrêmement vite, et ça explique pourquoi aussi, dès qu'on entend que les Allemands sont à nos portes, eh bien, vous avez cet exode sur les routes de France. Les Français du Nord, en fait, qui s'en vont vers le Sud. C'est ça. Et donc, 6 semaines seulement, ils passent aussi, il faut bien dire, les Allemands, ils attaquent là où on les attend pas, ce qui fait qu'ils vont pénétrer assez vite le territoire français. Un petit extrait, le témoignage, vous allez voir, d'une Bretonne qui raconte à quel point ça va vite, l'arrivée des nazis, donc, sur la côte atlantique en juin 1940. Au moment de l'occupation, j'étais à Saint-Nazaire. Les Boches sont entrés chez nous le 22 juin 1940 et ils sont entrés dans une ville absolument vide. Je veux dire que les magasins étaient fermés et les volets aussi. Ils arrivaient de Nantes, et seul le bruit des vagues répondait au bruit de leurs engins motorisés. De Saint-Nazaire, ils ont gagné le Croisic, et ils se sont installés dès le début dans toutes les villas de la côte. Mais chez nous, le soir, quand nous sommes sortis, il y avait déjà de grandes affiches au mur, de grandes affiches blanches, qui punissaient de mort les gens mettant obstacle au règlement de l'occupation et qui étaient signés du Feldkommandant allemand. Saisissant ce récit à Éric Bédard de l'entrée des troupes allemandes sans aucune résistance dans certains villages de France, la France donc qui est défaite après seulement 6 semaines, que se passe-t-il? Comment expliquer cette défaite-là? D'abord sur le plan militaire. Oui. Alors, les historiens, en général, mettent le doigt sur l'explication suivante. C'est que la France a misé sur une doctrine défensive qui était directement inspirée de l'expérience de la guerre de 14-18. On mise presque tout sur ce qu'on appelle la ligne Maginot. La ligne Maginot, ça vient du nom de André Maginot, qui a été ministre de la guerre entre 1922 et 1932. C'est un système de fortification qui longe une partie importante de la frontière avec l'Allemagne. Et ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a dans l'état-major français, la grande majorité de cet état-major est composée de chefs qui sont des hommes du 19e siècle. Pétain est né en 1856, Weygand en 1867, Gamelin en 1872. Eux, ils ont été vraiment formatés avec cette guerre immobile de la Première Guerre mondiale. Et donc, ces gens-là se méfient des nouvelles inventions. Par exemple, Maréchal Pétain va dire que les inventions sont des engins encore énigmatiques. Il dit ça en 1938. Les avions. Ça. Les avions. Oui. C'est quand même incroyable. On est en 38. Il dit que ce sont des engins plutôt énigmatiques. Et quant à l'infanterie, il y a des blindés dans l'armée française de 1939. Il y en a même beaucoup. Il y en a presque autant que du côté allemand, mais c'est leur usage qui diffère. Et là-dessus, le colonel de Gaulle, un certain colonel Charles de Gaulle, avait écrit des textes de doctrine militaire durant les années 30 pour prôner ce que l'Allemagne va faire, c'est-à-dire une utilisation différente, offensive des blindés. Il a écrit un livre qui s'intitule « Vers l'armée de métier » en 1933. Donc, c'est cette stratégie défensive qui a probablement coûté la victoire et qui explique pourquoi la France n'a pas bougé. Par exemple, en 1936, Hitler va réoccuper la Rhénanie, donc violer le traité de Versailles. Et en 1939, par exemple, pourquoi la France n'a pas attaqué l'Allemagne, tout simplement? Parce qu'on ne l'a pas rappelé, mais c'est au moment où l'Allemagne entre en Pologne. Absolument. Que la France, la Grande-Bretagne. L'Allemagne est tournée vers la Pologne, donc vers l'Est. Donc pourquoi la France n'a pas attaqué, tout simplement, lancé une offensive pour combattre l'ennemi à laquelle elle vient de déclarer la guerre? Mais c'est à cause de cette stratégie défensive. Parce que une offensive, c'était militariste, c'était dangereux, c'était pas la chose à faire. Alors, cette stratégie défensive, elle s'explique. Hein, je veux dire, c'était pas tous des imbéciles. Faut la comprendre, faut la mettre dans son contexte. Et une des explications, elle vient de ce pacifisme qui était très ancré. Une culture pacifiste, parce que toute stratégie offensive s'était assimilée à du bellicisme et ça rappelait les terribles souvenirs de 14-18. Il faut voir que un Français sur quatre âgé de 18 à 40 ans a péri durant la Grande Guerre. Ouais. Hein, c'est 1,3 million de morts. C'est la plus importante saignée des pays européens à l'époque. En 1938, les anciens combattants, là, qu'on voit aujourd'hui comme des vieillards qui avancent avec des marchettes, souvent, là, on voit des événements, mais en 1938, ce sont des hommes dans la force de l'âge, et c'est 5,8 millions d'hommes. Et tous ces hommes-là ont vécu les traumatismes des tranchées. Entre 1920 et 1925, on va ériger 30 000 monuments aux morts en France, dans le moindre petit village. La Première Guerre a fait très mal et on s'en est pas encore remis, finalement, la guerre de 14-18. C'est un traumatisme et vous avez toute une littérature. Hein? Le grand roman de Céline, Voyage au bout de la nuit, Capitaine Conan, qui reçoit le prix Goncourt en 1934, c'est l'objet d'un beau film, d'ailleurs, assez récemment. Donc, c'est un pacifisme qui rejoint l'ensemble des coups qui est capté par tous les mouvements politiques avec plus ou moins de succès. L'extrême gauche communiste plaide contre une guerre impérialiste et bourgeoise. L'extrême droite défaitiste croit que la France, de toute façon, ne se remettra jamais de son instabilité, de ses lois sociales, de son régime démocratique et républicain. On vise évidemment le Front populaire. Donc, tous les courants, et surtout les courants extrêmes, hein, sont hostiles à toute idée d'offensive, à des guerres, pour des raisons différentes, évidemment. Bon, évidemment, cette défaite quand même va ébranler la France au premier plan, mais va ébranler aussi la Grande-Bretagne, va ébranler les États-Unis. Vous allez voir, c'est intéressant, dans l'extrait qui suit, Éric Bédard, la perception de cette défaite est très, très différente selon qu'on parle de Londres ou de Washington. À ce propos, Frédéric Seeger, historien donc, et qui raconte tout ça à l'émission Au fil du temps en 1990. On ne réagit pas de la même façon à Londres qu'à Washington. À Londres, on disait deux choses. Ben, la défaite de la France, c'est la faute des Français, c'est pas notre faute à nous. Hein? Et c'est surtout la faute des généraux français, parce que le peuple français, lui, veut combattre. La preuve, c'est que le général de Gaulle est là, qui est en train d'enrôler des volontaires pour continuer le combat. À Washington, c'est l'étonnement général. Les Américains avaient beaucoup d'estime pour l'armée française. Pendant la Première Guerre mondiale, ils avaient utilisé des canons et des avions de fabrication française, et ils pensaient que l'armée française était la meilleure du monde. De l'avoir humilié de la sorte était pour les Américains quelque chose d'absolument incompréhensible. Alors, à partir de ce moment-là, à Washington, on commence à préparer une guerre future. On ne sait pas quand elle va éclater, ni où, mais les Américains commencent à prendre la guerre au sérieux à partir de juin 40. Intéressant ce qu'on vient d'entendre. Il y a comme un très bon professeur que j'ai eu. Pour les Américains, en tout cas, bon, les Anglais qui sont très, très critiques, sont pas si loin, finalement, de la lecture de Gaulle. Oui. Mais les Américains qui, là, se disent, étonnement, et à un moment donné, ça va être notre tour. Oui, mais en même temps, ils sont très réticents à embarquer. Ce sera long. Ça sera très long. Il faudra attendre l'attaque de Pearl Harbor de la fin de l'année 41. Absolument. C'est une défaite militaire. C'est une défaite politique aussi. Mm-hmm. C'est pour ça que c'est douloureux, ce souvenir de 1940. Une défaite politique pour la France, parce que c'est un pays qui n'a pas su, finalement, utiliser les bonnes stratégies. Et plusieurs vont se tourner vers le problème du régime. D'abord, on va critiquer la politique étrangère de la France. Est-ce que la politique étrangère de la France a été la bonne face à l'Allemagne? Durant les années 20, il y a quelque chose d'inconstant dans cette politique. Durant les années 20, il y a un courant plus musclé, plus celui de Raymond Poincaré, où on souhaite l'application intégrale du traité de Versailles. La ligne dure, pas, on ne donne pas un pouce aux Allemands, alors que certains disent que c'est un traité qui est beaucoup trop dur, justement. Et puis, vous avez une autre ligne, qui est celle d'Aristide Briand, un pacifiste, un humaniste, qui dit il faut absolument intégrer l'Allemagne. Il faut que l'Allemagne fasse partie de l'équation européenne. Et donc, il voudra faire en sorte que l'Allemagne intègre, par exemple, la Société des Nations. Il voudra construire, donc, une nouvelle Europe pour inclure l'Allemagne. Bon, une fois que le régime nazi arrive, là, on fait quoi face à ce régime? Ça change complètement la donne. On est en face d'un régime qui est expansionniste, qui est revanchard, qui est dirigé par une bande de voyous, qui ne respecte absolument rien, qui est cynique, mais rapidement, qui montre des dents. Et qui va poser des gestes très hostiles, qui montrent qu'ils ne respectent rien, occupation de la Rhénanie, renaissance de l'armée. Et qu'on laisse faire, encore une fois. Et qu'on laisse faire, malgré des traités, malgré des traités qu'on a signés avec des pays limitrophes, comme la Tchécoslovaquie, par exemple, ou comme la Pologne. Bon. Alors, pourquoi cette politique étrangère est si inconstante? Ben, certains disent, mais c'est simple. C'est à cause de cette instabilité politique. C'est à cause de ce régime qui est anarchique, ce régime de la Troisième République, où on a l'impression d'être face à une France qui n'a pas de tête, qui n'a pas de direction, une France qui est un pays complètement instable politiquement, un pays déchiré, menacé par des franges extrémistes révolutionnaires, tant à gauche qu'à droite. Les gouvernements qui vont se succéder, il y en aura 44 entre 1919 et 1940, un parlement qui est tout puissant, mais qui... 44 gouvernements en 44. 20 ans, en 21 ans. Ça veut dire que souvent, il y avait des changements de gouvernement sans qu'il y ait d'élection, là, vous comprenez bien. C'est-à-dire que les gouvernements étaient des espèces de coalitions très fragiles. Il fallait faire un paquet de compromis. Et qui dit parfois compromis, ben c'est sûr que c'est sain, parce qu'on essaie de que tout le monde... Mais en même temps, on dit qu'il n'y a pas de, décision. Bon, on tourne en rond. Il y avait à ce moment-là un président. Hein. La Troisième République avait un président, mais un président qui était un, je veux dire, un personnage d'une fonction qui était presque honorifique, parce qu'on craignait le pouvoir personnel, on craignait le bonapartisme. Hein. Donc, faiblesse militaire, hein, pour revenir quelques minutes derrière, mais faiblesse politique aussi. Oui. Grande division, faiblesse politique, incohérence diplomatique avec les résultats qu'on sait. Vu d'ici, Éric Bédard, comment elle est perçue, cette défaite de la France, si rapide, si cinglante en juin 40? Là-dessus, il y a deux anecdotes. Il y a celle de Gaston Miron. Gaston Miron nous raconte dans plusieurs entrevues que lorsque on a appris la défaite de la France, il voit son père, pourtant un homme très peu éduqué, un homme du Nord, dire « c'est terrible maintenant, les Anglais vont encore plus nous mépriser hein? ». Et il y a un autre récit, celui d'André Laurendeau, qui parle d'un bouleversement intime. Et je le cite, il dit « Les foules montréalaises, à l'annonce donc de cette défaite, éprouvaient de la peine, de la déception, peut-être même un peu de honte, car le nom français dont elles se sentaient solitaires était ébranlé. » Donc, c'est un choc. Oui. C'est un choc parce que c'est un peu comme le phare de notre civilisation, pour nous, Canadiens français d'Amérique, dans une situation de précarité. C'est un phare qui s'éteint, hein, et c'est très, très troublant. Alors, oui, ça a été un choc. Peut-être que ça explique en partie pourquoi il y a un certain nombre de volontaires aussi qui ont décidé de s'enrôler. Et c'est la France qui tombe, ce n'est pas rien non plus. Ce n'est pas rien. Si on parle de la France qui a été une des puissances victorieuses de la Première Guerre mondiale et qui avait, dont on pensait que l'armée était très puissante quand même. Aujourd'hui, avec le recul du temps, comment les Français, Éric Bédard, quel regard ils portent sur cette défaite-là? C'est un événement qui continue de les hanter. Le rôle de Vichy dans la collaboration est un sujet perpétuel de débat. Et je vais vous lire un extrait d'un très beau livre que j'ai bien aimé de Pascal Bruckner, qui s'intitule Le bon fils. Pascal Bruckner, qui est de la génération un peu du baby-boom, qui avait un père d'extrême droite, mais il fait quand même une réflexion, la réflexion suivante. Il dit « La France contemporaine n'est pas sortie de la logique de la Seconde Guerre mondiale, qui demeure son baromètre absolu, son roman familial. Les plaies n'ont pas cicatrisé, l'animosité surgit à chaque crise. Elle ne s'est jamais remise de ces 4 années d'abaissement. Notre nation n'est pas malade de l'islam ou de l'immigration, lesquels ne sont que les révélateurs de sa faiblesse. Elle porte, et pour longtemps, le stigmate de la débâcle et du vichisme. Toute l'actualité est lue à travers cette grille. Chaque camp politique accuse l'autre de collaborer avec le mal. Nous rejouons sans fin l'occupation. » Donc, c'est une sorte, parce que c'est comme si c'était produit durant cette Deuxième Guerre mondiale, une sorte de guerre civile, hein, entre deux camps. Cette division. Cette division extrêmement tranchée, où on a eu des gens qui ont dit la France est finie, elle doit se régénérer, hein, et si la France est finie, ben c'est la faute des Français qui ont eu cette mauvaise idée de voter pour un parti de gauche comme le Front National, le Front Populaire plutôt. Et vous avez cette autre France qui disait non, la liberté, ça n'a pas de prix. La France a peut-être commis des erreurs, son gouvernement en tout cas, mais c'est pas une raison pour être assujetti à une autre nation. Éric Bédard, enseignant à la TELUC, collaborateur régulier à l'émission. Merci beaucoup, Éric. Merci. Toujours un plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.